Question 5. Pour aller à Mont-de-Marsan, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D.